cas, c'est un étrange cortège. Porte débrassée de pain et marche pieds nus dans la neige. Ils seront tous là cette nuit, ne partiront qu'à l'aurore. Yeah.